une vieille épée. Elle ne parut pas au dîner. Le soir, elle vint un instant au salon, mais ne regarda pas Julien. Le lendemain, le surlendemain, même froideur de sa part. Elle ne le regardait pas, elle ne s'apercevait pas de son existence. Serait-ce par hasard, se dit-il, un retour à la vertu ? Mais ce mot était bien bourgeois pour l'altière Mathilde. Me mépriserait-elle ? La vanité de Mathilde était furieuse contre lui. Comme elle ne s'ennuyait plus depuis 2 mois, elle ne craignait plus l'ennui. Ainsi, sans pouvoir s'en douter le moins du monde, Julien avait perdu son plus grand avantage. « Je me suis donné un maître », se disait Mademoiselle de la Mole, en proie au plus noir chagrin. « Mais si je pousse à bout sa vanité, il se vengera en faisant connaître la nature de nos relations. » Le courage était la première qualité de son caractère. Rien ne pouvait lui donner quelque agitation et la guérir d'un fond d'ennui sans cesse renaissant que l'idée qu'elle jouait à croix ou pile son existence entière. Le 3e jour, quand Mademoiselle de la Mole s'obstinait à ne pas le regarder, Julien la suivit après dîner et, évidemment malgré elle, dans la salle de billard. « Eh bien, monsieur, vous croyez donc avoir acquis des droits bien puissants sur moi ?» lui dit-elle avec une colère à peine retenue. Rien ne fut plaisant comme le dialogue de ces 2 amants. Sans s'en douter, ils étaient animés l'un contre l'autre des sentiments de la haine la plus vive. Ils en furent bientôt à se déclarer nettement qu'ils se brouillaient à jamais. Il accomplissait sans trop de peine ce qu'il croyait un devoir. Il était bien loin de se croire fort amoureux de Mademoiselle de la Mole. Sans doute, il ne l'aimait pas 3 jours auparavant. Mais tout changea rapidement dans son âme, du moment qu'il se vit à jamais brouillé avec elle. Dans la nuit même qui suivit la déclaration de brouille éternelle, Julien faillit devenir fou en étant obligé de s'avouer qu'il aimait Mademoiselle de la Mole. 2 jours après, au lieu d'être fier avec M. de Croisenois, il l'aurait presque embrassé en fondant en larmes. L'habitude du malheur lui donna une lueur de bon sens. Il se décida à partir pour le Languedoc, fit sa malle et alla à la poste. Il revint à l'hôtel de la Mole annoncer son départ au marquis. Monsieur de la Mole était sorti. Plus mort que vif, Julien alla l'attendre dans la bibliothèque. Que devint-il en y trouvant Mademoiselle de la Mole ? En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Emporté par son malheur, Julien eut la faiblesse de lui dire, du ton le plus tendre et qui venait de l'âme, « Ainsi, vous ne m'aimez plus ?»« J'ai horreur de m'être livré au premier venu, » dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même. « Au premier venu ?» s'écria Julien. Il s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge. Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Au moment où il venait de tirer l'épée, avec quelque peine, de son fourreau antique, Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes s'étaient taries. Il fit un mouvement pour jeter l'épée. Certainement, pensa-t-il, elle va éclater de rire à la vue de ce mouvement de mélodrame. Il dut à cette idée le retour de tout son sang-froid. Mademoiselle de la Mole le regardait étonnée. « J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant ?» se disait-elle. Elle était immobile devant Julien. Elle le regardait avec des yeux où il n'y avait plus de haine. Il faut convenir qu'elle était bien séduisante en ce moment. « Je vais retomber dans quelque faiblesse pour lui, » pensa Mathilde. Elle s'enfuit. « Mon Dieu, qu'elle est belle !» dit Julien en la voyant courir. Le marquis parut. Julien se hâta de lui annoncer son départ pour le Languedoc. « Non pas, s'il vous plaît, vous êtes réservé à de plus hautes destinées. Si vous partez, ce sera pour le Nord. » Julien salua et se retira sans mot dire, laissant le marquis fort étonné. Il était hors d'état de parler, il s'enferma dans sa chambre. Là, il put s'exagérer en liberté toute l'atrocité de son sort. « Et cependant, je suis fou, je le sens, je suis fou. » Qui pourra me guider ? Que vais-je devenir ?